Chapitre 8e, 6 avril. Vers 5 ou 6 heures du matin, avant le réveil sonné au camp, je soulève la porte de ma tente pour garder au dehors. Et cette première apparition matinale du pays d'alentour m'impressionne d'une manière inattendue. Un ciel uniformément obscur, surtout le vaste pays vert où nous sommes. De grandes plaines d'iris, de palmiers nains, d'asphodèles. Par places, des amas de marguerites blanches, si serré qu'on dirait des plaques de neige. Tout cela humide de pluie ou de rosée. Dans les lointains, ce vert intense s'assombrit sous les nuées lourdes qui traînent. Il tourne au gris d'ombre, puis vers l'horizon se mêle peu à peu par plans dégradés avec le noir des montagnes et du ciel. Une aurore sinistre, dans un lieu quelconque perdu au milieu d'un grand pays primitif. Des mules, déjà scellées par les soins de quelques serviteurs matineux, sont tassées là-bas les unes contre les autres, en fouillis, debout, sur leurs pattes mais dormant encore. Leurs hautes selles à dossier, recouvertes de draps rouges, forment des taches de couleurs éclatantes sur ces fonds de teintes neutres, sur ces derniers plans d'un gris violacé d'encre. Immobiles, elles ont l'air d'avoir été préparées là et d'attendre, pour quelques défilés de féeries, sans spectateurs. Nos gardes s'éveillent, sortent un à un des tentes, étirant leurs longs bras bruns, ayant toujours, à cause de ses robes et de ses voiles, un faux air de grande vieille femme maigre, de gigantesque gypsy. Ah, les suppliantes d'hier au soir qui sont encore là. Malgré les averses tombées, elles ont, paraît-il, passé la nuit accroupies devant la tente du ministre. Mais elles sont plus nombreuses ce matin. Des vieilles, des jeunes, toute la famille du captif, sans doute, et de pauvres petits bébés, encapuchonnés à la bédouin, qui dorment transis contre la poitrine des mères. Près d'elles, sur l'herbe mouillée, à la place où elles ont immolé la génisse, s'étale toujours une large tache de sang délayée par la pluie. Je m'approche de leur groupe. Alors une vieille tatouée qui me dit être la mère du caïd prend dans ses mains le pan de mon manteau et l'embrasse. Dès cet instant, je me sens gagné à leur cause et me promets d'intercéder pour elles quand le moment sera venu. Comme ce lieu est triste par un temps pareil, triste et mystérieux, sur ces lointains si sombres, comme nos tentes sont blanches.